عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، continue toujours dans le livre Kitab al-Tawhid. On est arrivé au chapitre باب من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا. Donc l'auteur qui est Cheikh al-Islam Mohammed bin Abdelwahab rahimahullah ta'ala, il dit: chapitre fait partie de l'association à Allah que l'individu fasse des actes d'adoration, c'est ça qu'il faut comprendre ici, par intérêt matériel. وقول الله تعالى من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون الآيتين. Donc qu'est-ce qu'il dit sur l'islam Mohammed bin Abdelwahab rahimahullah ta'ala, il dit: et la parole d'Allah le Très-Haut, dont la traduction du sens est: ceux qui veulent la vie présente avec sa parure, nous les rétribuerons exactement selon leurs actions sur terre, sans que rien ne leur en soit diminué. Et puis il a dit sur l'islam, rahimahullah ta'ala, al-ayataini. Al-taqdir, comme on a dit sur l'ayataini dans sa kitab tawhid, il dit ça peut vouloir dire akmil al-ayataini. C'est-à-dire finis les deux versets, c'est-à-dire jusqu'à la fin, ou jusqu'à les deux versets cités dans leur, de manière complète. Cheikh al-Fawzan, il explique cela maintenant. Il dit, on va voir dans quel verset ça va être, inshallah. C'est le verset 15-16 de sourate Hud. Cheikh al-Fawzan, hafidhahullah ta'ala, il dit: الآية الثانية قوله تعالى أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. Donc ici Cheikh al-Fawzan il continue, en fait qu'est-ce qu'il fait, il donne le deuxième verset pour avoir les deux versets auxquels fait référence Cheikh al-Islam Mohammed bin Abdelwahab rahimahullah ta'ala. Et il dit le deuxième verset est, selon la traduction du sens est: ceux-là qui n'ont rien dans l'au-delà que le feu, ce qu'ils auront fait ici-bas sera un échec et sera vain ce qu'ils auront de vrai. Surat Hud, donc versets 15 et 16. Cheikh al-Fawzan, il continue en disant Munasabatul bab li kitab at-tawhid. C'est-à-dire, quel est le caractère opportun de se mettre ce chapitre dans le livre d'unicité. Comme je vous expliquais, les ulama, ils expliquent le livre d'unicité kitab at-tawhid, chapitre par chapitre, et aussi ils montrent comment chaque chapitre s'articule par rapport aux autres et pourquoi ils sont cités ces chapitres dans Kitab Tawhid. Donc quel est le rapport entre ce chapitre et le livre de l'unicité dont ce chapitre fait partie. Et donc il dit bayanu an al-amal li ajli ad-dunya shirkun yunafi kamal at-tawhid wa yuhbitu al-amal wa yaftariqu an al-bab alladhi qablah an hadha 'amalun li ajli ad-dunya yusibuha. C'est quoi le chapitre précédent, l'ostentation? Donc, il dit le caractère opportun de ce chapitre au sein du livre de l'unicité. C'est quoi? C'est de mettre en évidence que faire des actes d'adoration par intérêt matériel est une association à Allah subhanahu wa ta'ala qui s'oppose à la complétude ou à la perfection, comme al-tawhid, la perfection ou la complétude de l'unicité, et rend l'acte caduque. Il annule l'acte, il le rend vain. Et il se différencie, c'est ça que je vous disais, comment il s'articule les chapitres les uns par rapport aux autres. Quelle est la différence ici entre ce chapitre de quelqu'un qui fait des bonnes œuvres, des œuvres qui sont des actes d'adoration en apparence, mais qui les fait pour un intérêt matériel. Et le chapitre précédent qui est quoi? Quel chapitre où on étudie ce qui concerne Ar-Riya. Il y a quelque part une question importante ici, intéressante, c'est de voir quelle est la différence. Parce que les deux actions, il y a quelque chose de commun, c'est qu'elles n'ont pas, pas été faites pour Allah subhanahu wa ta'ala. Tandis qu'il y en a un, il l'a fait pour un intérêt matériel, tandis que l'autre, il a fait ça pour un madh, pour une éloge. C'est ce qu'il dit ici, le cheikh ici, il dit, et il se différencie du chapitre qu'il a précédé, car ici, c'est un acte d'adoration afin d'obtenir un intérêt matériel. Tandis que celui qui fait un acte d'adoration par ostentation, al-riya, donc ce qu'on appelle en arabe al-mura'i, on a vu c'était quoi le verbe, etc. On a expliqué en long, en large la fois passée. Donc celui qui fait un acte d'adoration par ostentation le fait pour l'éloge seulement. Alors on a fait la différence entre al-riya et al-sum'a. Riya lié à la vue, le fait d'aimer être vu en train de faire l'acte d'adoration, et al-sum'a, le fait d'aimer entendre que les gens fassent l'éloge par rapport à cet acte d'adoration. Ensuite, Cheikh al-Fawzan, il dit, Hafidhahullah ta'ala, Yuridu al-hayata ad-dunya wa zinataha. Là, il explique les mots et les parties de phrase. Et il dit, ay yuridu bi'amalihi thawab ad-dunya wa ma laha. Donc, yuridu al-hayata ad-dunya wa zinataha. Ceux qui veulent la vie présente avec sa parure. C'est-à-dire qu'ils veulent, par leur acte d'adoration, la récompense matérielle et son prix. Ou sa richesse, si vous voulez. Nouaffi ilayhim. Nouaffi ilayhim. Il dit ici le cheikh. Nouaffiru lahum thawab a'malihim bisrihati. Wassururi bil ahli wal mali wal waladi. Il dit donc, nous les rétribuerons exactement. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, nous leur rétribuerons exactement leurs actes par la santé et la joie au moyen de la famille et de l'argent et des enfants. La yubkhasoun, la yunqasoun. La yubkhasoun, sans que rien ne leur soit diminué de cela. C'est pour ça qu'on a dit, nous leur rétribuerons exactement. Et donc il dit ici, la yunqasun, c'est-à-dire que rien ne leur sera diminué. Puis il dit, le cheikh, hafidahullah, laysa lahum fil akhirati illa an-nar. Toujours pas pour verser le surat Hud. Li'annahum lam ya'malu illa lil hayati ad-dunya. Laysa lahum fil akhirati illa an-nar. Ceux-là qui n'ont rien dans l'au-delà que le feu, l'a'adhu billah. Car ils n'ont fait ces actes d'adoration que pour les biens matériels de ce bas monde. Wahabita, ay batula. Wahabita, c'est-à-dire batula. Et sera vain, sera caduque. Batula, c'est un verbe ici. Et vous connaissez le. C'est batil, c'est un mot que vous connaissez. Batil, c'est-à-dire vain, caduque, nul, etc. ما صنعوا فيها في الآخرة فلم يكن لهم ثواب عليه لأنهم لم يريدوا به الآخرة وصنعوا في ما صنعوا فيها ما صنعوا فيها ce qu'ils y auront œuvré. D'accord? Et ici, écoutez bien, il dit dans l'au-delà, cher, il dit. Et donc ils n'auront aucune récompense pour ces œuvres car ils n'ont pas voulu l'au-delà par ces œuvres. Puis Cheikh, il donne le sens général des deux versets. Il dit Ma'na al-ayatayni ijmala. Ay ayati surat Hud. Al-khamisa achar wa sadisa achar. Anna man kanati dunya hammahu wa talaba wa tulbatahu fanawaha bi'a'malihi wa lam yaltafit lil-akhirah. Jazahu Allah subhanahu wa ta'ala fi dunya insha'a ta'ala kama fi al-ayati al-ukhra. من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد الآية من سورة الإسراء ثم يفضي إلى الآخرة وليس له حسنة يعطى بها جزاء. Quel est le sens général de ces deux versets 15 et 16 de sourate Hud? Et que celui pour lequel ce bas monde est son intérêt et sa quête, et donc il a ce bas monde comme intention, cette vie présente comme intention de ses œuvres. Et ne prête pas attention à l'au-delà. Allah le rétribue de ses bonnes actions dans ce bas monde s'il veut. Comme dans l'autre verset dont la traduction du sens est, quiconque désire la vie immédiate, nous nous hâtons de donner ce que nous voulons à qui nous voulons. Puis nous lui assignons l'enfer où il brûlera méprisé et repoussé. Donc il explique par un autre verset qui sort l'Isra, verset 18. Et les ulama, quand ils expliquent le Coran, ils expliquent le Coran par le Coran, ou par la sunna, ou par les paroles de sahaba, ou par la langue arabe. D'accord? Et un des plus grands, le plus haut degré, c'est le Coran bil Coran. D'ailleurs, Cheikh Mohamed Ibn Shinqiti, rahimahullah, il a un livre qui est très très connu, que je recommande vivement, c'est Adwa ul Bayan, fi tafsir le Coran bil Coran. C'est-à-dire, c'est le tafsir de Cheikh Shinqiti. C'est ce qu'on appelle le tafsir de l'Amin Shinqiti, rahimahullah, le grand savant qui est mort. D'accord? Adwa ul Bayan. C'est pour ça qu'on dit toujours fi, qu'on dit tafsir al-Shinqiti, il l'appelle en général Mashir Adwa ul Bayan. C'est connu que c'est de Mohamed Amin al-Shinqiti. Il faut savoir qu'il ne l'a pas fini, c'est son élève Atiya Salim qui l'a fini. Il est arrivé presque à la fin et c'est son élève qui a fini. Son élève lui-même qui était un juge et un cheikh en Arabie Saoudite. Donc on a dit ici, Shir, il termine cette, ce sens général des deux versets et il dit, puis il se rend dans, le de, dans l'au-delà sans avoir une bonne action pour laquelle il pourrait obtenir une récompense. Puis ensuite il dit, munasabatu dhikri al-ayatayn fi al-bab annahuma bayyanata hukm man arada bi'amalihi ad-dunya wa ma'alahu fi ad-dunya wal-akhirah. Le rapport entre ces deux versets et le chapitre. Donc comme on a fait le rapport du chapitre par rapport au livre, on fait le rapport des deux versets par rapport au chapitre, parce que Cheikh, dans l'islam Mohammed Ma'alouha rahimahullah, il a cité le titre du chapitre et puis il a directement donné les preuves pour ce titre du chapitre. Et d'ailleurs, je vous avais rapporté une parole avant que les ulama, ils font ressembler Kitab Tawhid à un livre, c'est lequel j'avais dit. À Sahih al-Bukhari, pourquoi? Parce que ce qu'on dit par rapport à l'imam Bukhari, qu'est-ce qu'on dit? C'est ça, il dit, fiqhuhu fi tarajumihi. C'est-à-dire que le fiqh de l'imam Bukhari, rahimahullah, tu le lis dans les titres des chapitres. Et pas que pour ça aussi, parce que c'est construit sur le dalil. Tout le Kitab Tawhid est construit sur le dalil. Et donc ici, Cheikh, il a cité un titre, et il y a un fiqh dans ce titre, et puis il a cité les arguments, les preuves par rapport à ce titre, et à ce fiqh dans ce titre. Et c'est les deux versets de Surat Hud. Et justement, il dit, le Cheikh ici, le rapport entre ces deux versets et le chapitre est qu'ils mettent tous deux en évidence le jugement de qui? De celui qui cherche un bien matériel par ses actes d'adoration, ainsi que son sort dans ce bas monde et dans l'au-delà. Ma yustafadu min al-ayatayn. Quels sont les enseignements tirés de ces deux versets? Il en a cité quatre ici. Fihima anna shirka muhbitun lil a'mal wa anna iradata ad-dunya wa zinataha bil 'amali muhbitatun lah. Il y a dans ces deux versets de sourate Hud que l'association à Allah Azza wa Jal annule les œuvres et que vouloir la vie présente et sa parure par les bonnes œuvres les annule. Deuxièmement, fihima anna Allah qad يجزي الكافر وطالب الدنيا بحسناته في الدنيا ولا يبقى له في الآخرة حسنة يجازى بها. Il y a dans ces deux versets qu'il se peut qu'Allah rétribue un mécréant ainsi que celui qui cherche les biens matériels. Il dit ici طالب الدنيا, celui qui cherche les biens matériels de cette vie présente en leur donnant leurs bonnes actions dans ce bas monde. Et donc il ne leur restera aucune bonne action dans l'au-delà pour laquelle il pourrait être récompensé. Troisième enseignement, fihima, ici vous rajoutez un ha, il est marqué fihima, c'est fihima, je ne sais pas si vous avez la même faute que chez moi ici, faute de frappe ici. Fihima tahdiru shadidu min iradati dunya bi'amali al-akhirah. Il y a dans ces deux versets la mise en garde sévère contre le fait de chercher les biens matériels de ce bas monde au moyen des actes de l'au-delà. Rabi'an, fihim al-hathu ala iradati al-akhirati bil-a'mal al-salihah. Il y a dans ces deux versets l'incitation à chercher l'au-delà au moyen des actions vertueuses. On continue, j'ai dit que le cours serait très court aujourd'hui justement, parce qu'on va se limiter à un chapitre, et le chapitre il n'est pas très long. Il y a encore un hadith, le hadith et l'explication est assez longue, mais on va se limiter à ce hadith, et on ne rentrera pas dans l'autre chapitre aujourd'hui, Inch'Allah. Donc on continue toujours dans notre chapitre, et Cheikh l'Islam, Mohammed ibn Abdouhab, rahimahullah, il dit, « Fils sahih, an Abi Hurayrata, radiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, ta'isa abdud dinar, ta'isa abdud dirham, تعيس عبد الخميصة تعيس عبد الخميلة إن أعطي رضي وإن لم يعطى سخط. Je sais pas que vous avez ibn, non? C'est وإن وإن لم يعطى سخط تعيس وانتكس وإذا شيك فلن تقش وإذا شيك فلن تقش طوبى لعبد آخذ بعناني فرسه في سبيل الله أشعث رأسه مغبرة قدماه إن كان في الحراسة كان في الحراسة وإن كان في الساقة كان في الساقة إن استأذن لم يؤذن له وإن شفع لم يشفع. رواه البخاري. C'est pour ça qu'il a dit d'ailleurs au fils sahih, comme on va le voir dans un instant. On traduit déjà le hadith. Et donc, cher l'islam, Mohammed, toujours dans ce chapitre, de celui qui fait des bonnes œuvres pour un intérêt matériel de cette dunya, et bien que ça fait partie de l'association Allah Azza wa Jal. Il a cité deux versets, surat Hud, et puis il cite un hadith dans le Bukhari. Et dans l'authentique, d'après Abu Huraira Kalalagré, qui dit, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, que soit perdu l'esclave du dinar. Vous allez voir qu'ici c'est un khabar bima'na du'a. Hein, le verbe en arabe dit ta'isa, il est perdu. Mais en fait c'est que soit perdu, c'est une du'a. Khabar bima'na du'a. Que soit perdu l'esclave du dinar. Que soit perdu l'esclave du dirham. Que soit perdu l'esclave de l'khamisah, avec un sad. C'est quoi l'khamisah? Eh bien c'est un vêtement marqué, fait de soie ou de laine que les gens portaient dans l'ancien temps. Que soit perdu l'esclave de l'khamila. L'khamila, c'est, le cheikh va expliquer plus tard, va dire c'est le qatif, le velours. Lorsqu'on lui donne, il est satisfait. Subhanallah, je parlais à un frère, je lui citais ce hadith hier. Je dis, lorsqu'on lui donne, il est satisfait. Et lorsqu'on ne lui donne pas, il est mécontent. Le prophète, il continue en disant qu'il soit perdu et qu'il soit dans l'échec. Et s'il est touché par une épine, c'est-à-dire qu'une épine se plante, qu'il ne soit pas capable de l'extirper. C'est toujours une doua du prophète alayhi sallam. Puis il dit, Touba, Touba. Vous avez remarqué qu'il a parlé d'un type de personne, retenez ça. Et maintenant on va parler d'un autre type de personne. Le prophète alayhi sallam va parler d'un autre type de personne. Il dit, Touba, pour le serviteur. C'est quoi Touba? Cheikh Al-Fawzan explique cela, il dit, un nom du paradis ou le nom d'un arbre au paradis. Donc, Touba, pour le serviteur qui prend la bride de son cheval sur le sentier d'Allah, fi sabilillah. Les cheveux ébouriffés, les pieds poussiéreux. S'il est à la garde, il est alors attentif à la garde. Et s'il est à l'arrière-garde, il est alors attentif à l'arrière-garde. S'il demande une autorisation, elle ne lui est pas donnée. Et s'il intercède pour autrui, son intercession ne lui est pas acceptée. Ça, c'est le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, on l'a traduit. Cette petite partie ici, ici quand il dit, « In kana fil hirasa, fa wa fil hirasa », cette partie-là, et la suite, il dit, « S'il est à la garde, il est alors, ce qu'il faut comprendre, attentif à la garde, et s'il est à l'arrière-garde, il est alors attentif à l'arrière-garde. » Cheikh Al-Fawzan l'expliquait, il va dire que là où la maslaha du jihad, elle est, et là où on le met, il va et il le fait. Et ça, c'est un exemple que j'ai dit souvent aux frères. C'est comme ça que doit être le salafi, celui qui suit la sunna. C'est qui, s'il y a une maslaha pour laquelle il doit être à un poste plus qu'à un autre, ou ne pas être à un poste et qu'un autre soit à sa place, ce qui prime et qui prévaut, c'est la maslaha de l'islam. Ce n'est pas la maslaha personnelle. C'est la maslaha de la da'wah. C'est la maslaha de l'institution ou l'organisation dans laquelle ça se fait. Comme ici, par exemple, dans l'armée des musulmans, etc. Parce que qu'est-ce qu'il cherche le musulman? Qu'est-ce qu'il cherche? Il cherche à satisfaire Allah, subhanahu wa ta'ala. Qu'il soit à la garde, ou qu'il soit à l'arrière-garde, ou qu'il soit le général de l'armée, ou qu'il soit ceci, ou qu'il soit cela, ou dans toute autre action. Là, il cherche toujours maradillah, subhanahu wa ta'ala. C'est comme on va voir dans un instant. C'est-à-dire toutes les actions, tous les actes qui amène à la satisfaction, par lesquelles on peut obtenir la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça, c'est vraiment important. C'est un exemple que je donne toujours aux frères, quand on parle de da'wah, etc. Je leur dis, attention, et regardez les sahaba comment ils étaient. On continue dans l'explication, et il dit, Cheikh Al-Fawzan, « Fis sahih, ay, sahih al-Bukhari. » Cheikh Al-Islam Muhammad al-Abdulhab, rahimahullah, il n'a pas dit quel sahih, il a dit « Fis sahih ». Donc Cheikh Al-Fawzan, il dit, dans l'authentique, c'est-à-dire dans l'authentique d'al-Bukhari. تعس بكسر العين سقط والمراد هنا هلك. Alors le verbe تعس, il a dit le cheikh ici avec une kasra sous le عين, تعس, ça veut dire سقط, سقط, tombé. Et le sens ici est هلك, perdu. Perdu, détruit, perdu. Il dit الخميصة ثوب خز أو صوف معلم كانت من لباس الناس قديما. C'est quoi الخميصة? Ici peut-être des mots de vocabulaire. الخز, on peut traduire ça par la soie ou la laine. Et صوف, c'est la laine. Mu'allam, c'est-à-dire qu'il y a des marques dessus. Il dit, c'est un vêtement marqué fait de soie ou de laine que les gens portaient dans l'ancien temps. Al-khamila, bifatḥ al-kha, al-qatifa. C'est le velours. Intakasa, le verbe ici, intakasa. Ay, aawadahu al-marad. Ça, c'est une explication. Waqil, une autre explication. Inqalaba ala ra'si. Wahuwa du'a'un alayhi bil-khiba. Intakasa. C'est-à-dire qu'il tombe et retombe malade. Aawadahu al-marad. C'est-à-dire que ça se répète, c'est répétitif, que la maladie se répète pour lui. Une autre explication, qu'il retombe sur sa tête, et c'est une invocation contre lui qu'il soit voué à l'échec en fait. C'est pour ça qu'on a traduit par l'échec. Shika. Wa ida shika falan taqasha. C'est ça qu'il a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Hein? Shika, c'est quoi shika? Asabathu shawka. Ici, c'est Mabni Lam Yusamma Fa'iluhu. D'accord? C'est au mot d'impersonnel, si vous voulez, en français. Et donc, c'est pour ça qu'on dit s'il est touché par une shika, s'il est touché par une épine. Épine en arabe, shawka. Shawka. Donc, shika, s'il est touché par une épine qui se plante dans son pied ou autre, par exemple. Ensuite, falan taqasha. Fala yaqdiru ala intiqashiha, ay akhadaha, ou akhdaha, afwan, bil minqash. Falantakasha, le prophète alayhi salatu salam, il dit, c'est-à-dire qu'il ne soit pas capable de l'extirper. C'est toujours une doua du prophète alayhi salatu salam. C'est-à-dire de la prendre avec un minqash, un burin. Ce qu'on utilise pour graver, etc. Pour le naqsh. Ou autre. Ou un genre de. Je ne sais pas comment on appelle ça. Le mot que j'ai trouvé dans le dictionnaire qui s'approche le plus, c'est le burin, mais c'est quelque chose de pointu pour lequel on pourra retirer, par exemple, l'épine. Minqash un peu. Donc, Touba, ismu lil jannah ou shajaratin fiha. Touba, c'est un nom du paradis ou d'un arbre se trouvant au paradis. Inan, bikasil'in, sir lijam, c'est la bride des rennes. Fi sabilillah, ay jihad il mushrikin. Dans le sentier d'Allah, c'est-à-dire le djihad contre les polythéistes. Évidemment, ici, le shir, il parle au djihad légiféré, qui est une chose noble et pas ce qui est pratiqué par les groupes d'évi aujourd'hui, comme Daesh, Al-Qaïda et Boko Haram et d'autres. Ash'atha ra'su. Sifatun li'abdin majrun bil-fathati nabatan al-kasra, li'annahu mamnu'un min al-sarf. Wa ra'suhu fa'il. Wa ma'nahu annahu fa'iru ra's. Shagalahu al-djihadu an al-tana'umi. بالأدهاني أو بالإدهاني بالإدهاني وتصريح الشعر. Ici, qu'est-ce qu'il dit? Il dit أشعت رأسه. C'est une caractéristique du mot serviteur. C'est-à-dire que on décrit l'abd. Comment il est l'abd? Eh bien, il est أشعت رأسه مغبرة قدماه etc. etc. Donc, c'est une caractéristique du mot serviteur. Et c'est-à-dire que son sens, qu'il est ébouriffé. Pourquoi il est ébouriffé? Eh bien, car il est trop occupé par le djihad pour se peigner au moyen d'huile et de se coiffer les cheveux, etc. Mughabbaratin qadamah. Sifatun thaniyatun li'abd. Wa qadamahu fa'il. Ay alaqahuma al-ghubaru wa turabu bi khilafi al-mutrifin al-mutana'imin. C'est une deuxième caractéristique du mot serviteur, comment il est, c'est-à-dire qu'il a les pieds poussiéreux. Que la poussière s'est attachée à ses deux pieds ainsi que de la terre en opposition à ceux qui vivent dans l'aisance et aux riches. الحراسة بكسر الحاء أي يكون في حماية الجيش غير مقصر ولا غافل الحراسة la garde, c'est-à-dire qu'il protège l'armée sans manquement et sans être inattentif. في الساقة أي يكون في آخر الجيش لأنه يقلب نفسه ويقلب نفسه في مصلح الجهاد. في الساقة, c'est-à-dire qu'il est à l'arrière de l'armée car il change de poste en fonction de ce qui est bon pour le jihad. إن استأذن الاستئذان هو طلب الإذن أي للدخول على الأمراء. الاستئذان s'il demande une permission, c'est-à-dire d'entrer chez les émirs. لم يؤذن له لأنه لا جاه له عندهم لكونه لا يقصد بعمله الدنيا وتزلف إلى الأمراء. Donc s'il demande une permission, c'est-à-dire d'entrer chez les émirs, لم يؤذن له, la permission lui est refusée. Pourquoi? Car il n'a aucun rang auprès d'eux, il n'a aucun statut. Et ce, car il ne cherche pas les biens matériels par ses œuvres, ni à flatter les émirs. لم يؤذن له. On a déjà traduit. وإن شفع لم يشفع. وإن شفع أي ألجأته الحال إلى أن يتوسط في أمر يحبه الله ورسوله. Changer si c'est رسوله. من قضاء حوائج الناس. Vous avez encore un dalil que الحال il est féminin. C'est quoi le dalil? الحال قال يؤنث ويذكر والأفصح التأنيث. Comment qui me donne la preuve que c'est مؤنث ici? بل تأنيث ألجأته. Donc on a dit quoi ici? وإن شافع أي ألجأته الحال إلى أن يتوسط في أمر يحبه الله ورسوله من قضاء حوائج الناس. Et s'il intercède, c'est-à-dire qu'une situation l'oblige à se faire l'intermédiaire pour une affaire qu'Allah et son messager sallallahu alayhi wa sallam aiment, et c'est de réaliser les besoins des gens. Lam yushaffa, l'intercession lui est refusée. Il dit, cher ici, bi fathi al-fa al-mushaddadati, takhin shadda sur le fa, ay une fatha, ay lam tuqbal shafa'atu 'inda al-umara'i wa nahwihim. C'est-à-dire que l'intercession lui est refusée auprès des émirs et autres. Pourquoi? Pour la raison qu'on a dit tout à l'heure, c'est qu'il n'a pas un rang spécial ou un statut, parce que lui cherche avec ses actions la face d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il ne cherche pas des biens de ce bas monde ou autre, ou la flatterie, ou le rang, ou le statut, etc. Al-ma'na al-ijmali du hadith, le sens général du hadith. Yusawwiru an-nabi sallallahu alayhi wa sallam fi hadha al-hadith halat rajulayn, ahaduhuma min tullab ad-dunya wal-akhiru min tullab al-akhirah. فطالب الدنيا صار عبدا لها يرضى لها ويسخط لها اعوذ بالله اي انا بوكو دي جون كوم سا وذكر في حق هذا ما هو دعاء بلفظ الخبر تعس وانتكس واذا شيك فلا انتقش اي اذا اصابه شر لم يخرج منه ولم يفلح فلا نال المطلوب ولا خلص من المرهوب وصار عبدا لما يهواه من شهواته لا صله له بربه يخلصه بسببها مما وقع فيه ثم بين صلى الله عليه وسلم حال عبد الله الصادق الساعي في مراضيه المبتعد عن مساخطه الصابر على مشقة النصب والتعب وأنه لم يتفرغ للطرف ونيل الملذات ولم يتظاهر أمام الناس حتى يعرف لديهم ويكون ذا جاه عندهم سيكون لأنه لم يرد بعمله الدنيا ونيل الجاه بل أراد به وجه الله والدار الآخرة فجزاؤه أن له الجنة أو شجرة فيها. Très très important ce sens ici, le sens général du hadith de Abu Huraira rapporté par al-Bukhari rahimahullah wa radiyallahu an Abi Huraira radiyallahu anhu wa ardah. Le prophète alayhi salatu wassalam, il représente dans ce hadith la situation de deux hommes. Et on revient aux deux types de personnes auxquelles j'ai fait référence tout à l'heure. Il dit, l'un fait partie de ceux qui cherchent les biens matériels de cette vie présente et le second fait partie de ceux qui cherchent l'au-delà. Donc, celui qui cherche les biens matériels de cette vie présente devient son esclave. C'est pour ça que le prophète a dit Ta'isa abdud dinar, Ta'isa abdud dirham. Donc, celui qui cherche les biens matériels de cette vie présente devient son esclave. Et est satisfait en fonction d'elle et est mécontent en fonction d'elle. Et ça, c'est très très très important. Et ça, je dois faire un point ici. C'est que nos frères et sœurs, on doit tous craindre Allah Azzawajal par rapport à ça. Et qu'on ne fasse pas partie des gens qui, quand ils obtiennent quelque chose, ils sont satisfaits. Et que quand ils n'ont pas cette chose-là, ils sont mécontents. Et donc, il y a un comportement qui découle des deux situations. Quand ils sont satisfaits, il y a un comportement qui découle de ça. Et quand ils sont mécontents, il y a un comportement qui découle de ça. Il faut faire attention à ça. Il faut faire très très attention à ça. Et je suis sûr que vous tous, ou presque tous ici dans votre tête, vous au moins référez au moins une situation dans votre vie par rapport à ça. C'est vrai ou pas? Nous, de manière générale, d'accord? On a tous quelque chose auquel on peut référer. Mais attention que nous, même si les autres tombent là-dedans envers nous, que nous ne tombions pas là-dedans envers les autres. Ça, c'est très très très important. De ne pas être parmi les gens que quand on lui donne, il est satisfait. Et ça, c'est large. C'est pas que de l'argent, attention. Hein. D'accord? Ça peut être toutes les choses que vous pouvez imaginer. Et quand on ne lui donne pas, bien qu'est-ce qu'il fait? Il est mécontent et donc il se comporte en tant que quelqu'un de mécontent. Elle commence à rentrer dans des choses qui sont interdites et qui sont illicites pour une raison qui en fait il n'y a pas de raison valable. Il n'a pas à être mécontent. Très très important ce point ici, très très important. Et beaucoup de fitan entre des frères, entre des sœurs, etc. Il découle de cette la non application de cette base là, de ce fondement là. Et donc, il faut se poser la question, comment on pourrait être quelqu'un qui n'est bien, qui ne se comporte bien, qui n'est dans la fraternité, hein, et les bonnes choses, etc., et le bon comportement, etc., que quand il reçoit. Et quand on ne reçoit pas quelque chose qu'on veut, parce qu'évidemment, si on est mécontent, c'est parce qu'on la voulait, hein, eh bien, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Le bon comportement, masha'Allah, le frère, masha'Allah, la fraternité, tout ça, hein, c'est parti. Et là, on voit le vrai visage. Mais ce n'est pas un beau visage. Donc faire très très attention à ça. Très très attention à ça. Qu'on cherche la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala dans toutes nos actions, toutes nos paroles. Et que si on ne reçoit pas, alhamdoulilah, on a parlé de ça, vous vous rappelez de. On a parlé, j'avais référé lui-même Saadi rahimahullah quand on a parlé de. Quand Allah fait partie de la perfection, de la sagesse et du lutf d'Allah subhanahu wa ta'ala. De la douceur d'Allah subhanahu wa ta'ala qu'il donne à ses serviteurs en fonction de ce qui est bon pour eux. En fonction de ce qui est bon pour eux. Et en fonction il l'aura quoi? Il l'aura qaddar. On a parlé de ça, on avait parlé de tout ça. Donc on continue ici. On a dit que, donc celui qui cherche les biens matériels de cette vie présente devient son esclave et satisfait en fonction d'elle et est mécontent en fonction d'elle. Le prophète, alayhi salatu wa salam, a dit au sujet de celui-ci, une information qui a valeur d'invocation. Donc cette information-ci, khabar bima'na du'a, a la valeur d'invocation. Donc le prophète fait une invocation. Et vous savez que la vocation du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, elle est acceptée. Il faut faire attention. Parce qu'il a fait doigt contre un type de personne, et puis il a fait doigt pour l'autre type de personne. Il a dit Taïsa, Taï et d'autres choses, qu'il soit perdu et d'autres choses. Et pour l'autre, il a dit Toba, le paradis ou un arbre au paradis. Donc maintenant, à vous deux, vous savez maintenant c'est laquelle catégorie dont il faut faire partie, et à nous tous d'ailleurs de faire en fonction pour qu'on soit dans cette catégorie-là pendant la première, qu'on soit dans la bonne. Et donc il dit. Qu'il soit perdu et qu'il soit dans l'échec. Et s'il est touché par une épine, qu'il ne soit pas capable de l'extirper. C'est-à-dire, s'il est touché par un mal, qu'il n'en sorte pas et qu'il ne réussisse pas. Et donc, il n'obtient pas ce qu'il veut et n'est pas débarrassé de ce dont il a peur. Il a dit, et c'est une belle phrase, il a dit, La hasa ala al-matloub. Hein? Wa la yukhallisuhu min al-marhoub. Il a dit. Ici, je reviens à la phrase ici. Il a dit, فلا نال المطلوب ولا خلص من المرهوب. Donc il n'a pas obtenu ce qu'il cherchait, sa quête, le talab qu'il cherchait. ولا خلص من المرهوب. Et il n'a pas été préservé de ce dont il craignait. Donc le musulman, et surtout le salafi qui s'attache à la sunna, il doit être perspicace, il doit être intelligent. Et il doit savoir comment obtenir le vrai bien. Et se tenir à l'écart de ce dont il a peur et du châtiment d'Allah, etc. Donc ici, il dit, et donc, il n'obtient pas ce qu'il veut ou ce qu'il cherchait, et n'est pas débarrassé de ce dont il a peur, et il devient l'esclave de ce qu'il désire, parmi ses passions, n'ayant aucun lien avec son Seigneur qui le délivrerait en raison de ce lien. De ce par lequel il a été touché. Puis le prophète a mis en évidence l'état du serviteur d'Allah véridique. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'on fasse partie de ces gens-là. Qui cherche les actes par lesquels il obtient la satisfaction d'Allah. Et qui se tient à l'écart des actes qui ont pour résultat le mécontentement d'Allah. Et qui patiente quant aux difficultés de la peine et de la fatigue. Et qui n'est pas libre pour l'opulence et l'obtention des plaisirs. et qui ne se montrent pas devant les gens afin qu'ils soient connus d'eux et afin qu'ils obtiennent un rang auprès d'eux. Car ils ne cherchent pas les biens matériels de cette vie présente, ni l'obtention d'un statut par ses œuvres. Mais au contraire, ils cherchent par ses œuvres la face d'Allah. On avait dit, Shalatim l'a dit que ça veut dire être sincère dans ses œuvres. Ainsi que la demeure de l'au-delà. Et donc sa rétribution est qu'il obtient le paradis ou un arbre au paradis. Dernière partie ici. Munasabatu dhikri al-hadith fi al-bab. Quel est le rapport entre le hadith et le chapitre? Anna fihi dhamm al-amali li-ajli al-dunya wa madh al-amali li-ajli al-akhirah. Le rapport entre le hadith et le chapitre est qu'il y a dans ce hadith le blâme des bonnes œuvres pour les biens matériels de cette vie présente, et il y a dans ce hadith l'éloge des bonnes œuvres faites pour l'au-delà. Donc ça revient à quoi? À niya. Ça revient à l'attention. Et de là, vous comprenez les paroles des savants sur l'importance de l'attention, et notamment du hadith « Innamal a'malu bin niyat » dans une autre riwaya « bin niya ». Les actes ne valent que par leurs intentions. C'est un hadith que c'est le premier des 42 hadiths de l'imam Nawawi, non, qu'il a cité. Ça, oh là là. Et c'est le premier dans beaucoup de livres, notamment quoi, quel livre? Sahih al-Bukhari. Mais est-ce que vraiment on réfléchit et on médite et on met en application dans tout ce hadith? C'est une notion fondamentale, on la connaît tous, alhamdoulilah. Ça, je dis ça en tant que rappel pour moi aussi, pour nous tous. C'est quoi? C'est pourquoi on fait les choses en fait? Ou pour qui on fait les choses plutôt? Tout, ça revient à tout, ça revient à tout. Tout ce qu'on fait. Allah al-musta'an. Et donc, on a dit ici, il y a dans ce hadith l'éloge des bonnes œuvres faites pour l'au-delà. Les enseignements tirés du hadith. Munasabatu dhikri al-hadith fi al-bab. Subhanallah. Dans la sourate, c'est la même chose. C'est une bonne œuvre. Sahoulallah. Mais à l'intérieur, al-sourah al-batina, la tuwafiqu al-sourah al-dahira. C'est-à-dire que l'image intérieure, dans le fort intérieur, l'attention qui est dans le cœur, elle ne reflète pas ce qui est à l'extérieur. Mais à l'extérieur, c'est la même image, c'est une œuvre pieuse. Et ça me fait penser à un hadith que vous connaissez tous. Que l'individu, l'homme, il fait les actions des gens du paradis. حَتَّى لِيَبْقَى بَيْنَهُمْ وَبَيْنَا إِلَّا ذِرَعَ فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ الْكِتَابِ. D'accord? Vous connaissez ce hadith dans l'Arba'in Nawiyah? Et qu'il reste entre... Il y a un homme, il fait les œuvres des gens du paradis jusqu'à ce qu'il ne reste plus contre lui le paradis qu'une coudée. Et je crois que c'est en français, il traduit ça comme ça, à la koulihal. Il a dit, « Fayasbiqu alayhi al-kitab. » Parce qu'il était écrit autre chose. Ça? « Faya'amalu bi'amal ahlinnar fayadkhulaha. » Regardez la distance. Ça, c'est une coudée. Ça. Entre lui et le paradis. Il fait un amal des gens du feu, et il y rentre. Le contraire. La ya'malu bi'amali ahli an-nari hatta la yabqa baynahu wa baynaha illa dira' fa yasbiqu 'alayhi al-kitab fa ya'malu bi'amali ahli al-jannati fa yadkhulaha. Donc il reste entre lui qu'une coudée et le feu. Mais alhamdoulillah, il fait une action des gens du paradis et il rentre au paradis. Ça? C'est pour ça qu'en islam, très important, les quoi? Le khawatim, khawatim al-a'mal. Que nos dernières actions soient les meilleures. Et on demande toujours, sallallahu alayhi wa sallam, khatima, qu'on ait une bonne fin. Parce que les choses sont par leur fin, ça, oh là là. Mais regardez, une autre riwaya qui montre. Parce qu'il y a certaines personnes, ils ont dit, mais comment il fait les actions? Et puis, les actions, ça amène les bonnes actions, on croit ça, ça, oh là là. Ça, ou là, ça, c'est le seul où l'illusra. Ça. Rappelez-moi après ce verset-là que je viens de citer, on va faire un petit point sur Saadi, rahimahullah. Je disais quoi que. Ils n'ont pas compris. Mais une autre riwaya qui vient t'expliquer. في إن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس. L'autre version du hadith, elle montre فيما يبدو للناس, dans ce qui apparaît aux gens. Vous comprenez ce que je veux dire? Dans ce qui apparaît aux gens. Mais Allah Azzawajal y sait. فيسبق على الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. Et l'autre, on a dit فيما يبدو للناس. Donc l'insan يجاهد نفسه, que chaque action qu'il fasse, que chaque parole, il la fasse pour Allah subhanahu wa ta'ala uniquement. Qu'il fasse attention à ne pas chercher autre chose. Et quand j'ai dit qu'on croyait que les bonnes actions amènent les bonnes actions, bien sûr, c'est notre aqida ça. Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah, il a écrit un poème où il a réfuté quelqu'un de parmi les gens de l'Kufr qui posait une question, mais qui est une question choubha. Et si je me souviens bien, le titre du livre, c'est Ta'iya. C'est un titre court, il y a un titre plus long. Mais Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah, il a écrit à quelqu'un qui lançait aux savants de l'islam une question, mais il y a une choubha, une ambiguïté par rapport au Khadar. Elle dit en résumé qu'elle dit que vous prétendez que je suis un kafir, mais qu'en même temps je dois accepter le Khadar d'Allah subhanahu wa ta'ala. Hein? Or c'est Allah qui a Khadar que je sois un kafir. Vous voyez la choubha? Etc. Et Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah, il a bien répondu dans un bon poème complet. Hein? Et Cheikh Saadi, rahimahullah ta'ala, il a expliqué ce poème. Il est publié. Et il dit une phrase, il dit, les causes de la guidance, de la guidée, ce sont les bonnes actions. Comme les causes de l'égarement, ce sont les mauvaises actions. Et il a cité le verset, mais celui avant aussi qui est dans la sourate. C'est quoi le verset que j'ai cité? C'est « Fasan yassiruhu » Mais c'est quoi les versets avant? C'est quoi les versets avant? Vous connaissez tous la sourate, mais il faut juste... Hein? Oh, moi, je n'ai pas demandé de la sourate. Donne-moi juste les versets qui sont avant, c'est quoi? Personne. On va demander aux enfants, là, on va avec les adultes. Hein, relisez là, ou khlas. Il faut retrouver les versets. Barakallahu fik, hein? Allez-y, vas-y, hein? Voyez ici, il a cité des bonnes actions. Fa'amman ata. Wattaqa. Wa saddaqa bil husna. C'est quoi le jaza? C'est quoi la rétribution? Fasan yassiruhu lil yusra. Trois bonnes actions ici. Et la suite, c'est quoi? Bakhila wa staghna wa kadhab bil husna. C'est quoi ici? Bakhila, staghna, kadhab bil husna. Trois mauvaises actions. Fasan yassiruhu lil yusra. Et vous le sentez peut-être dans votre vie tous les jours. Que quand on fait une mauvaise action, il y a la rétribution qui suit. Fasan yusiruhu lil usra. Et le Cheikh Ibn Taymiyyah dans Qa'idatun fi sabr wa shukr, je l'ai traduit, il est publié Din al-Haq. Il dit, يعني الحسنات تولد الحسنة الأخرى. Hein? La hasana l'amène une hasana. On va terminer là-dessus, on rapporte juste les enseignements tirés du hadith. Ma yustafadu min al-hadith. Awalan damu al-amali l'ajli d'dunya wa madhi l'amali l'ajli l'akhirah. Le blâme des bonnes œuvres faites pour les biens matériels de cette vie présente et l'éloge des bonnes œuvres faites pour l'au-delà. Deuxièmement, fadlu al-tawadu', le mérite de la modestie. Troisièmement, fadlu al-jihad fi sabilillah, le mérite du jihad dans le sentier d'Allah. Quatrièmement, ذم الترف وتنعم ومدح الخشونة والرجولة والقوة لأن ذلك مما يعين على الجهاد في سبيل الله. Le blâme de l'opulence et de l'aisance et de l'éloge de la rigueur et de la virilité et de la force, car cela fait partie des choses qui aident au jihad dans le sentier d'Allah. Et avec ça on a fini le cours d'aujourd'hui. وجزاكم الله خيرا والله أعلم وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.